tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, le sexe comme objet, savoir et sexualité. Une série documentaire de Delphine Saltel, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a l'envie de parler de sexe sans tomber dans les ornières habituelles et l'anniversaire d'une loi qui avait ouvert grand la porte de la légèreté sexuelle aux femmes par la magie d'un minuscule cachet blanc. Pilule que certaines désormais traînent comme un boulet. Il y a aussi la parution du dernier volume de Michel Foucault sur l'histoire de la sexualité qui arrive étrangement tard et reste bizarrement d'actualité. Les 1000 questions que l'on aimerait poser et le tabou qui nous empêche de le faire et nos expériences ordinaires. Mais au fur et à mesure des images, des sensations qui nous reviennent, il y a l'envie de montrer que le sexe aussi est un objet de recherche comme les autres, y compris dans son versant chimique. Alors, pour commencer, les personnages. Une milliardaire activiste, un savant fou, des femmes cobayes, des gynécologues qui tâtonnent, des ministres, des chercheurs qui doutent, des femmes qui trouvent la liberté sexuelle et d'autres qui cherchent la liberté de choisir. Ensuite, le décor. L'Amérique des années 60, le planning familial, le MLF, des lois comme des pierres blanches, le temps qui passe, des contextes qui changent, des conquêtes qui n'en sont plus et la fascination pour le naturel. Aujourd'hui, troisième épisode, on écoute les archives à remonter le temps. Où en est la contraception en France ? Germaine Bartoli et Pierre Charpentier se sont livrés à une enquête à partir d'un témoignage recueilli dans l'un des 85 centres, plus ou moins tolérés, du mouvement français pour le planning familial. Une femme se confesse à un médecin, elle a accepté de laisser diffuser une partie de ses confidences. Je suis mariée, j'ai 5 enfants. Vous savez, j'ai beaucoup de peine à vous dire, c'est très gênant. J'ai eu le dernier il n'y a pas tellement longtemps. Oh, pardonnez-moi, mais je n'en voudrais pas d'autres. Je sens que c'est impossible. J'ai 42 ans, 5 enfants. J'avais espéré retravailler, je travaillais autrefois. Et maintenant, c'est épouvantable à dire, mais je n'ose plus avoir de rapport avec mon mari. Je sens que, je ne sais pas pourquoi, presque tous les 2 ans, j'ai un enfant. C'est une chose qui me fait peur. Oh, c'est difficile, excusez-moi. Je crains que mon mari ne s'éloigne du foyer, voyez-vous. Voilà, un témoignage parmi beaucoup d'autres. Depuis 1961, 100 000 Françaises sont venues ainsi demander conseil aux spécialistes des 85 centres du planning familial. Car le temps n'est plus, semble-t-il, où comme dans les contes de nourrice, les couples heureux ont beaucoup, beaucoup d'enfants. Le petit comprimé qui a changé la face du monde. Une histoire scientifique et politique de la pilule. Ce qui se passe avec cette nouvelle possibilité donnée aux femmes de maîtriser leur corps procréateur, c'est qu'on en termine tout simplement avec des siècles, voire des millénaires, de destin maternel, c'est-à-dire d'une conception de l'existence féminine qui était indissolublement associée à leur capacité maternelle. À partir du moment où elles peuvent programmer leur grossesse, les femmes peuvent s'imaginer un avenir sous un jour très différent de ce qu'il était jusque-là, puisqu'elles peuvent aller jusqu'à se projeter dans une vie sans enfant, et que personne, et surtout pas les hommes, décideront à leur place. L'histoire commence en 1950 aux États-Unis. Une femme se bat depuis 40 ans pour le droit à la contraception. Elle s'appelle Margaret Sanger. Elle a consacré sa vie à cette idée nouvelle, scandaleuse, révolutionnaire, que le corps d'une femme n'appartient qu'à elle seule. Infirmière et sage-femme de formation, elle a risqué plusieurs fois la prison pour avoir défendu le droit des femmes à devenir mères quand elles le souhaitent. Le droit à la paresse, le droit de détruire, de créer, de jouir, le droit de vivre. Depuis la première clinique de planification familiale qu'elle a fondée en 1916 à Brooklyn, elle n'a cessé de rêver à une méthode scientifique pour contrôler les naissances. Une formule magique qui permettrait aux femmes d'avoir des relations sexuelles aussi souvent qu'elles le voudraient, sans tomber enceinte. Elle imagine quelque chose de peu onéreux, accessible au plus grand nombre, pratique d'utilisation, infaillible, indolore. Au fil des années, tous les scientifiques qu'elle a consultés lui ont systématiquement répondu que c'était impossible. Mais en 1950, Margaret Sanger a beau être une vieille dame, elle ne veut pas baisser les bras. Elle s'accroche à l'espoir de trouver une solution scientifique à son combat pour les femmes. Michel Lebris. Margaret Sanger avait 71 ans en 1950. Elle aurait pu se dire que sa vie avait été bien remplie et qu'il était peut-être temps de baisser la garde, d'arrêter le combat. Mais ça a été tout le contraire. Margaret Sanger, c'était la grande militante depuis le début du siècle presque du combat pour les femmes, la revendication d'une sexualité revendiquée, la militante du droit au plaisir de la chair, mais aussi la militante du contrôle des naissances. Il faut dire que elle était née dans une famille de 11 enfants, sa mère morte à 50 ans, après avoir donné naissance à 11 enfants, morte d'épuisement, morte de tuberculose. Donc elle n'avait eu qu'une obsession, c'était se sortir de là, multipliant les combats, la revendication d'une sexualité libre. Et donc là, elle a une idée, c'est que les temps sont peut-être venus pour se battre pour ce qui sera l'arme absolue, c'est trouver un moyen de contraception. Et va commencer comme cela le combat pour la pilule et la chance, à ce moment-là, de rencontrer une femme qui l'admire depuis longtemps, Catherine Dexter McCormick, qui est l'épouse de McCormick, le propriétaire de cet empire des machines agricoles, qui va mourir quelques années plus tard. Et Catherine McCormick va mettre à sa disposition tous ses moyens. Et c'est ainsi que commence la grande aventure qui va révolutionner le siècle, la découverte de la pilule. Avec l'argent de la philanthrope Catherine McCormick, Margaret Sanger, 71 ans, repart donc au combat. Elle se remet à chercher un savant suffisamment audacieux ou désespéré pour accepter de mettre au point ce fameux moyen de contraception. L'idéal, pense-t-elle, ce serait un comprimé, qu'une femme puisse avaler chaque matin avec son jus d'orange ou en se lavant les dents, sans avoir à demander l'accord de son partenaire sexuel. Mais quel scientifique serait assez fou pour relever le défi? Un soir d'hiver de 1950, à Manhattan, Margaret Sanger rend visite à Gregory Goodwin Pincus, un biologiste à la réputation sulfureuse. Dans les années 30, il a fait scandale en essayant de mettre au monde des lapins dans des boîtes de pétri. Ses travaux sur les hormones sexuelles et la fécondation in vitro le font passer pour un apprenti sorcier. Et c'est sans doute pour ça que Margaret Sanger vient le trouver. Pincus est de loin pas le seul à travailler sur les hormones sexuelles. Qu'en fait, il y a tout un milieu de recherche qui s'intéresse aux oestrogènes, s'intéresse à la progestérone, s'intéresse aux régulations du cycle sexuel, qui, dans ces années 50-là, est déjà un secteur qui est très très important. Oui, mais ce qui fait, Jean-Paul Gaudière, que tout à coup la communauté scientifique s'intéresse aux hormones sexuelles, c'est pas un intérêt pour la contraception, c'est qu'on vient de découvrir la cortisone, les stéroïdes. Les stéroïdes changent totalement de statut à cause de la découverte de la cortisone. Et ça va retentir directement sur l'histoire de la pilule, parce que la cortisone est fabriquée à partir de la progestérone. Et du coup, toute une série de firmes, qui sont avant tout les firmes américaines, vont d'un seul coup investir les travaux, les études sur la fabrication de stéroïdes. Le résultat de toute cette recherche, c'est la mise au point de toute une série de molécules modifiées qui se multiplient. Donc, par exemple, celle qu'on va retrouver dans la composition de la pilule est synthétisée en 1951, et Pincus va l'avoir. Et Pincus en lien avec les sollicitations de Sandière, cherche une pilule contraceptive. La plupart des travaux qui s'étaient déroulés auparavant sur les hormones sexuelles ne cherchaient pas une pilule contraceptive. Donc pour Pincus, l'enjeu, ce n'est pas tant d'essayer de trouver de nouvelles molécules que de choisir lesquelles on va pouvoir utiliser et avec quel dosage, quelle modalité d'administration, et de vérifier l'effet contraceptif et évaluer les effets secondaires. Quand ces deux femmes viennent le voir en expliquant leur projet, il a une idée, c'est que la progestérone pourrait bloquer l'ovulation. Et il va commencer ses travaux à ce moment-là, et ça va aller assez vite, toujours sur ces malheureux petits lapins. Et ça va si vite qu'il se pose le problème à ce moment-là de trouver quelque part un docteur en médecine. Et ils vont trouver un professeur d'une énorme réputation à l'époque, John Rock. Et ils vont commencer toute une série de tests à Porto Rico et Haïti. Et ils vont faire des essais massifs en 56 pendant 8 mois sur plus de 200 femmes. Pas une seule grossesse. Il y a quelques effets négatifs que Pincus va réussir à supprimer. Et en 57... ils vont obtenir... D'abord, Margaret Sanger va annoncer à la télévision la découverte de la pilule contraceptive. La commercialisation de la pilule sera acceptée. En 61, 400 000 femmes prenaient la pilule. En 62, 1 million 187 000. En 63, 2 millions 300 000. La face du monde avait changé et Margaret Sanger, qui allait mourir peu après, pouvait se dire qu'elle y avait sacrément contribué. Le 27 octobre s'est ouvert à Paris, ici, rue Rochechouart, un centre d'information pour le planning familial. Désormais, ici, on pourra venir s'informer librement de tout ce qui concerne la vie du couple. Les problèmes sexuels tels qu'ils se posent aujourd'hui, et parmi eux, celui de la régularisation des naissances. La première initiative de cet ordre en France a été prise à Grenoble au mois de juin dernier. De cette expérience, quels sont les premiers résultats ? Vous êtes mariée depuis combien de temps ? 14 ans au mois d'août. Vous avez combien d'enfants ? 6. C'est ce que j'ai toujours dit à mes amis, c'est de l'élevage, c'est pas de l'éducation. Évidemment, on ne peut pas, un enfant qui vous pose une question, lui répond toujours oui tout à l'heure, je n'ai pas le temps, va t'amuser, je te répondrai tout à l'heure. Et le tout à l'heure n'arrive jamais, on n'a pas le temps. En 1956, au moment où Grégory Pincus met au point la pilule œstroprogestative, on commence à peine à débattre de l'idée d'un contrôle des naissances en France. La gynécologue Marie-Andrée Veil-Allée et la sociologue Evelyne Sulero fondent l'association La Maternité Heureuse, qui deviendra en 1960 le mouvement français pour le planning familial. Et en 1961, quand des milliers d'Américaines avalent déjà chaque jour leur pilule, en France, tout reste à faire. Les premiers centres d'information du planning familial ouvrent à Grenoble, puis à Paris. Vous ne souhaitez pas ne plus avoir d'enfants ? Non, absolument pas. Je désirerais avoir 3 ou 4 enfants. Mais souvent, j'ai vu autour de moi que la maternité posait beaucoup trop de problèmes, que les enfants n'étaient pas désirés. Et je crois que c'est vraiment trop grave et qu'il faut désirer ses enfants, les vouloir. Et c'est pour ceci que je suis venue demander des conseils. De nos jours, en somme, le bonheur du couple et celui des enfants, on n'accepte plus de les recevoir en prime, empilés dans l'armoire au petit bonheur des héritages. Alors c'est à nous de répondre aux questions que nous inventons. Qu'est-ce que c'est avoir un enfant ? Un bonheur, une fatalité ? il faut choisir. Bibia Pavard, en France, ce sont les militants du planning familial qui préparent l'opinion publique à l'arrivée d'une pilule contraceptive. Ils font un lent travail de terrain et ça va prendre des années, en fait. Le mouvement français pour le planning familial est notamment porté par des médecins, femmes et hommes, gynécologues en particulier, qui vont tester, promouvoir ce qu'ils appellent la contraception moderne. Alors pour eux, c'est très important d'opposer cette contraception moderne, scientifique, à la contraception obsolète ou en tout cas passéiste ou traditionnelle, qui est représentée par les pratiques les plus répandues en France à ce moment-là, c'est-à-dire le coït interrompu ou l'abstinence périodique, aussi dite méthodogéno. Et du coup, ils opposent à ces moyens traditionnels une contraception moderne, scientifique. Alors ça, c'est d'abord les spermicides, les caps vaginales, et puis progressivement, certains médecins qui sont membres du planning familial commencent aussi à prescrire à leurs patientes la pilule contraceptive. Ce qui fait que lorsque le débat autour de la pilule émerge en France, il y a déjà des consommatrices de pilules. L'argument qui est donné alors est celui de réguler les cycles menstruels, de lutter contre les règles douloureuses et non pas du tout un principe contraceptif. Parce que c'est interdit par la loi à ce moment-là encore. Alors effectivement, depuis la loi de 1920, il est interdit de vendre des contraceptifs et d'en faire la promotion, ce qui fait que ça a quand même limité la possibilité d'informer et de promouvoir la contraception en France. C'était vraiment très, très tragique. Au fond, il y avait une limitation des naissances en France, donc elle ne se faisait que par les rapports interrompus ou par les avortements clandestins. L'ensemble de la population vivait comme ça, c'est-à-dire c'était au détriment de l'équilibre du couple et de leur sexualité. Simone If était présidente du mouvement français pour le planning familial de 1973 à 1981. Les femmes, quand elles sont venues au début au planning, disaient « mais je viens parce que c'est plus une vie pour mon mari ». Et elles pensaient même plus à elles par rapport au plaisir sexuel, tellement elles avaient peur chaque mois de ne pas voir leurs règles. Ça correspondait à un bien-être, santé, morale, éthique de la vie des couples. D'ailleurs, au début, le planning s'appelait maternité heureuse. J'ai passé ma thèse en 62. Et de toute façon, j'ai toujours voulu être médecin et j'ai toujours eu envie de m'occuper des femmes. Et j'ai pensé à ce moment-là à la gynécologie. Je suis allée à une consultation qui m'a fait mal, car il s'agissait d'un excellent médecin, mais qui, lors de la consultation, avec deux doigts dans le vagin de la dame, s'est retourné vers ses internes et leur a demandé ce qu'ils avaient vu la veille au cinéma. Ça a été un tel choc pour moi que je me suis dit, je vais être gynécologue. Et du coup, je ne suis pas un redresseur de tort, mais j'ai pensé que les femmes méritaient mieux et que peut-être on pouvait non seulement exercer différemment, mais aider ou enseigner aux autres à le faire. En fait, vous devenez gynécologue, Michel Lachowski, à un moment de bascule dans l'histoire de la médecine. Enfin, il y a un vrai tournant dans ces années-là. Oui, je suis à une période charnière puisque j'ai eu dans mon bureau des femmes qui m'ont dit qu'elles se jetaient par la fenêtre si je ne les aidais pas à avorter. J'ai su que dans mon quartier, il y avait un coiffeur qui, à l'aide, tenez-vous bien, des rayons de bicyclette, procédait à des avortements. Il y a surtout eu des collègues, dont je n'ai pas fait partie, je l'avoue, extrêmement courageuses, qui ont pratiqué des avortements à leur cabinet. Et on a aussi tous connu, au moment de ce qu'on appelait à l'époque des avortements provoqués, et que les femmes arrivaient en saignant à l'hôpital, puisqu'on leur disait, il faut que vous saigniez, ou que vous ayez mal, ou que vous ayez de la fièvre, pour aller à l'hôpital. Des sages-femmes ou des médecins qui leur disaient, quand c'est rentré, vous n'avez pas fait tant d'histoires. On entendait des choses, mais vraiment horribles. Ça, c'est ce dans quoi j'arrive. Très peu de temps après, et d'ailleurs on en parle un petit peu, on parle contraception, l'idée de contraception possible, l'idée de sexualité sans procréation, l'idée que les femmes ne fautent plus, l'idée qu'il n'y aurait plus d'éphémères pauvres et ridicules, germe. Et on parle contraception, il y a tous les précurseurs, si je puis dire, en France et en Angleterre. Ensuite, très vite, j'ai eu l'impression que les choses changeaient. Par le planning familial et par des médecins très courageux, on donnait une adresse en Angleterre à nos patientes pour qu'elles fassent venir des diaphragmes. Et nous en avions, ce qui était défendu, pour leur apprendre à le mettre et pour voir les tailles dont elles avaient besoin. Bon, de temps en temps, les diaphragmes arrivaient, de temps en temps, ils n'arrivaient pas. Le travail du planning familial, il est double. En réalité, il est à la fois de permettre à la population d'accéder à ces moyens contraceptifs et surtout à cette information sur le contrôle des naissances à travers ces centres de planning familiaux et ces associations départementales qui s'ouvrent un peu partout en France. Mais il y a aussi un travail vis-à-vis du grand public qui se fait à travers les médias. Ces militants du planning familial sont présentés comme des experts dans différentes émissions de télévision, dans la presse magazine. Et surtout, ce qui va avoir un impact très fort, c'est l'idée que la contraception moderne permettrait de lutter contre l'avortement clandestin, qui est présenté comme un drame, un véritable problème de santé publique. Donc l'argument est assez simple, hein, il ne s'agit pas de limiter le nombre d'enfants, parce qu'on a vraiment une angoisse nataliste alors encore persistante en France, mais de permettre à chaque couple marié, c'est très important aussi, de choisir le moment d'avoir ses enfants. Il y a toute une réflexion sur la sexualité, sur l'harmonie au sein du couple, ce qui fait que finalement, au moment de l'élection présidentielle de 1965, François Mitterrand va porter la question de la libéralisation de la contraception, parce que ça pourrait être une façon notamment de s'attirer le vote des femmes, mais plus généralement d'avoir un discours sur, disons, l'amélioration de la condition féminine. Tous les autres candidats à l'élection vont immédiatement se positionner face à la contraception. Il n'y a que le général de Gaulle qui n'en parle pas, finalement. Néanmoins, une fois l'élection présidentielle passée et le général de Gaulle élu, ça demeure une question politique et le gouvernement de Pompidou va s'en emparer en commandant deux rapports sur la question de la contraception. Un rapport commandé à l'INSERM sur les dangers éventuels des contraceptifs hormonaux, donc de la pilule, et un rapport à l'Institut national d'études démographiques sur les enjeux démographiques d'une libéralisation de la contraception. Et à partir de là, le débat politique est enclenché. Il faut rappeler que l'Église catholique s'y oppose fermement. Et donc le rapport rendu par l'INSERM est extrêmement prudent. Il considère qu'il n'y a pas de danger majeur, tout en évoquant un certain nombre de risques d'augmentation des décès par thrombose, des risques aussi de cancer du sein. Cette commission, sur quoi elle se base pour rendre sa décision ? Sur quand même déjà 10 ans d'enquête qui existent sur la question. Parce que avant que la pilule ne sorte sur le marché américain, il y a quand même eu des années et des années de tests à petite, moyenne et grande échelle. Alexandra Roux est doctorante en sociologie. Elle travaille sur la diffusion de la pilule contraceptive en France. Donc en fait, en 1965-66, quand cette commission fait son travail, il y a déjà eu 10 ans d'enquête et 10 ans de rapports de l'Organisation mondiale de la santé. Ces travaux-là, ils essayent aussi d'analyser s'il y a des risques de cancer, ils n'en trouvent pas. S'il y a des risques de malformations congénitales chez la descendance, et ils n'en trouvent pas. Alors après, le principal argument des pro-pilules, c'est de dire, voilà, ça fait entre 5 et 10 ans qu'elle est prescrite aux États-Unis sur des millions et des millions de femmes, presque 10 ans qu'elle est prescrite en Angleterre. S'il y avait des gros problèmes, on s'en serait rendu compte en 1966. Donc ces experts de l'INSERM ne concluent pas à des dangers marquants qui empêcheraient la commercialisation de la pilule. En revanche, la manière dont les débats scientifiques vont être présentés dans les médias et dans les débats parlementaires ensuite en 67 montre bien que au-delà de ces questions véritablement scientifiques, il y a des enjeux qui sont plutôt politiques et moraux. Donc on a certains médecins qui vont se positionner sur le progrès scientifique que cela apporte et d'autres qui vont, au contraire, insister sur les dangers génétiques et moraux. C'est potentiellement altérer l'œuvre du créateur, hein, certains le disent comme ça dans les débats. Donc il y a une imprégnation très forte entre ces débats scientifiques, ces débats médicaux et ces débats moraux. On ne peut pas les penser séparément. Tout en, ce que je comprends pas, c'est qu'au fond, on n'avait pas tant de données que ça. Donc c'est vraiment une espèce de vœu pieux et de pari. Il fallait faire le pari, mais c'est tout à fait en phase avec la société de l'époque et la vision du progrès, la vision de la science, la vision de la modernité, de l'industrialisation. D'une certaine manière, la pilule, c'est l'industrialisation de la contraception. Et donc, ça va dans le sens de ces 30 glorieuses, avec des guillemets, de cette société de consommation, de cette foi dans la technique qui peut révolutionner le quotidien. Et donc, c'est ça aussi qui permet à cette réforme de passer, parce que elle est en phase avec cette manière de concevoir l'avenir, cette manière de concevoir aussi la nature, puisque l'idée, c'est quand même de se dire qu'il ne faut pas rester prisonnier d'une nature qui est contraignante, que grâce à la science, grâce à la technique, on peut dépasser ces contraintes naturelles. C'était un argument qui avait été mis en avant par des féministes telles que Simone de Beauvoir, hein, qu'on ne devait pas être prisonnière de cette condition de femme. Et là, elle fait tout à fait écho à toute cette foi dans l'avenir, dans le progrès et dans l'industrie. C'est cette foi en la médecine, c'est la foi dans le pouvoir des vaccins, dans la médicalisation du quotidien. On entre en fait dans cette consommation de masse des médicaments, hein, dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc c'est tout à fait logique d'avoir la foi dans un médicament. Française, il nous faut revenir sur la fin de la session parlementaire d'hier soir. En effet, hier soir, à une écrasante majorité, les députés ont adopté la loi sur la régulation des naissances et les contraceptifs, connue également sous le nom de loi Neuwirth ou de loi Pilule. Voici les principaux points de cette nouvelle loi. Les contraceptifs ne sont plus hors la loi, mais la propagande contre la natalité et la publicité pour ces produits restent interdits. Les contraceptifs ne seront délivrés qu'en pharmacie, sur ordonnance au nom de l'intéressé et remise à la femme elle-même. Enfin, pour les mineurs, l'ordonnance ne sera délivrée qu'avec le consentement des parents. Voilà donc les principales dispositions de cette loi. Dès ce matin, Raymond Tortora a demandé aux 10 premières femmes qu'il a rencontrées ce qu'elles pensaient de cette loi. Je suis contente. La nature, c'est la nature. Bah, moi, je m'en réjouis personnellement. Pourquoi, madame ? Bah, je m'en réjouis parce que je pense que c'est une condition essentielle de la libération de la femme actuellement. Je suis contre. Pourquoi, madame ? Bah, parce que je trouve que ça doit abîmer la santé tôt ou tard. Moi, je suis pour seulement, je ne sais pas, je ne connais pas les inconvénients. Voyez, moi-même, j'aurais peur. Je trouve que c'est peut-être une bonne chose parce que il y avait beaucoup de femmes qui se faisaient avorter, n'est-ce pas, clandestinement, et c'était beaucoup plus mauvais pour elles. Elles risquaient leur vie, etc. Là, je suis absolument pour la pilule, pour la liberté de la conception. Je trouve que la France est un pays extrêmement en retard. Il est normal que les Françaises puissent avoir des enfants quand elles le veulent. Les femmes se l'approprient extrêmement vite. À partir du moment où cela existe, eh bien, on est venu et on la veut. Docteur, voilà comment ce que je voudrais faire. Je voudrais mener une vie normale. Je voudrais pouvoir faire l'amour sans avoir peur. Même si ce n'était pas formulé comme ça, c'était tout de suite un don du ciel dont moi j'étais l'intermédiaire. C'est donc quelque chose d'extraordinaire. Et ce que je répéterai toujours, c'est que je suis en admiration devant toutes ces femmes qui, d'une part, ne savaient pas si vraiment ça allait être aussi réussi, ni s'ils avaient un côté toxique, mais à l'époque, on avait confiance dans la médecine et le côté toxique, ça ne venait pas. Et puis, on ne faisait plus confiance à la nature, puisque la bonne nature permettait d'être enceinte pratiquement à chaque fois, ou risquait de nous permettre. Donc, elles ont accepté des pilules tellement dosées qu'elles grossissaient, qu'elles avaient la nausée et qu'elles n'étaient pas bien. Si c'était le prix à payer pour pouvoir une vie moins chaotique, elles l'acceptaient. Parce que les premières formules, on ne se rendait pas compte qu'on n'avait pas besoin d'une telle dose hormonale, mais on n'avait pas le choix. C'est mieux que de mourir, ou d'être fémère, ou d'avoir une infection monumentale qui fait qu'on n'aura plus jamais l'enfant. Et on n'avait pas de choix, on avait la pilule. Qui est d'ailleurs, si vous remarquez, la même chose dans toutes les langues. C'est the pill, c'est toujours la pilule. On n'a pas besoin de dire la pilule contraceptive. C'est quelque chose de tellement extraordinaire que c'est devenu une idée, une entité. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres produits qu'il soit. Et surtout, elles se rendaient compte que maintenant, elles avaient pris la main, qu'elles avaient un moyen de prendre elles-mêmes la décision, tout en faisant l'amour, tout en étant amoureuses et tout en gardant peut-être leur monsieur. Donc la loi Neuwirth est finalement votée à l'aide du soutien de la gauche de l'hémicycle qui est d'une partie de la droite libérale. Mais c'est une loi, il faut quand même le redire, extrêmement restrictive. C'est une loi qui instaure un système de carnet à souche dans les pharmacies pour éviter les trafics ou les abus et qui limite d'une certaine manière la diffusion. Et il faut aussi ajouter que les décrets d'application sont pris au compte-gouttes, les derniers étant pris en 1973. Tous ces éléments font qu'il n'y a pas une rupture totale après cette loi, que la diffusion de la pilule est très progressive. Et la véritable loi libérale sur la contraception, et on l'oublie souvent, c'est la première loi Veil, qui survient avant la loi sur l'IVG, en 1974, et qui, pour le coup, instaure le remboursement, supprime l'autorisation pour les mineurs, les carnets à souche, et donc qui va finalement banaliser la contraception à ce moment-là, et permettre sa diffusion beaucoup plus massive. Il existe 6 marques différentes de contraceptifs de pilules. 1 600 000 femmes françaises prennent cette pilule. Cette pilule qui, désormais, sera en vente sur simple ordonnance et cette pilule vous sera remboursée, mesdemoiselles et mesdames, par la Sécurité sociale. Madame Veil, le ministre de la Santé, a précisé à Alain Trampolieri dans quel esprit avait été décidée cette libéralisation de la vente. Madame Veil, qui, je le rappelle, est elle-même mère de 3 enfants. C'est la normalisation de la contraception. La contraception doit entrer dans la vie des Françaises comme une chose tout à fait normale. On planifie sa famille, un jeune couple sait le nombre d'enfants qu'il veut avoir et la femme doit pouvoir faire appel à la contraception comme un acte médical, n'importe lequel, que comme pour tous les médicaments, les médicaments contraceptifs puissent être remboursés. Pourquoi ces remboursements ? Pour bien montrer que la contraception n'est pas un acte à part. On estime qu'au fond, un certain nombre de femmes se méfient de la contraception, pensent que ce n'est pas une chose normale. La pilule, notamment, a fait l'objet d'une certaine méfiance de la part des femmes. Et le fait que ce ne soit pas remboursé renforçait cette méfiance. Montrer qu'en définitive, c'est un produit comme les autres et qu'il n'y a pas de raison d'avoir une méfiance particulière à l'égard de ces médicaments. À partir de ce moment-là, on a une association très forte entre libéralisation de la contraception et émergence de ce nouveau mode de contraception moderne qu'est la pilule. Ça paraît comme le progrès scientifique le plus important, c'est même il y a même un caractère un peu magique dans ce médicament qui permet de ne pas tomber enceinte. Et donc, ça devient à la fois un objet qui fascine. On va avoir toute une série de reportages dans la presse, d'émissions de télévision, des reportages qui donnent à voir les lieux de fabrication où l'on voit ces plaquettes sorties de ces usines au rendement, et la pilule va devenir un objet de consommation courante. Il y a aussi une esthétique moderne de ce packaging. Elle entre tout à fait dans ce discours de la modernité de la société de consommation. Lucien Neuwirth, la pilule dans les prises uniques, ce n'est pas pour demain. Eh bien, on ne sait pas ce que nous réserve la médecine. Peut-être que demain, il y aura des pilules inoffensives et qui pourront être prises au même titre que des savonnettes. Vous vous souvenez de cette chanson ? Oh yeah ! J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant, Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays ? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. Oui, c'était il y a quelques années. Au moment où j'ai lancé ma loi, à peu près. En 1967, oui. Il y a de cela maintenant 7 ans. Mais oui. Une bataille est gagnée. Enfin. Mais l'objet pilule en lui-même, Camille Froide-Vaumétrie, il représente quoi pour les féministes à ce moment-là ? Est-ce qu'elles l'utilisent comme un symbole qui résume toute leur lutte ? Je crois qu'il faut raisonner de façon un peu générationnelle pour les premières en bénéficier. C'est effectivement quelque chose de l'ordre de la pilule magique, c'est-à-dire de ce petit comprimé qui en termine avec l'injonction à la maternité. La génération suivante et les deux générations suivantes, je dirais, vont vivre ça vraiment comme... C'est un objet qui va devenir comme un accessoire du quotidien, cette petite plaquette qu'on emporte partout avec soi. En plus, il y a cette dimension-là très, très simple. Il faut associer à cette conquête l'autre conquête du moment, qui est la révolution sexuelle, et donc cette libération aussi sur le versant, disons, joyeux de la disposition par les femmes de leur propre corps. Donc ce petit comprimé quotidien, c'est aussi le symbole de leur droit au plaisir, de leur liberté sexuelle. C'est le symbole de la fin d'une forme de sexualité nécessairement conjugale. Bref, c'est vraiment un peu le sésame qui ouvre la grande porte de la liberté. La première pilule à tout juste 20 ans, c'est vraiment passé, comme on dit dans les mœurs, plus d'une femme sur trois, 36% exactement, utilise à l'heure actuelle des moyens de contraception modernes et est nettement mieux informée que par le passé, comme l'explique à Germaine Bartoli le docteur Kahn Nathan. Cette meilleure connaissance des contre-indications a largement contribué, avec la diminution des doses, à faire diminuer le nombre des accidents dus à la pilule. Actuellement, 1980, plus de 3 millions de femmes françaises prennent régulièrement la pilule. Que pense-t-on à l'heure actuelle de la mini-pilule ? La mini-pilule est un apport très important sur le plan de la tolérance. La mini-pilule est une pilule classique, estroprogestative, que l'on prend pendant 21 jours avec un arrêt de 7 jours pendant lesquels les règles surviennent. Il faut encore avoir recours 21 jours sur 28 à une pilule. Très vite, la contraception fait partie de la vie, elle devient normale et plus du tout si étonnante. Mais tout de suite, on a eu une autre occupation, nous les médecins, puisqu'on nous a proposé des nouvelles pilules, différemment dosées, différemment accouplées entre progestérone et oestrogène, et on a eu le choix. Et aussi peut-être mieux tolérées, mieux supportées par le patient. Ça a été différent. C'est-à-dire que la contraception, qui s'était résumée longtemps à une pilule et éventuellement un diaphragme, un stérilet, c'était les pilules. Mais je crois que là, on a eu un éventail plus large. On s'est senti plus tranquille aussi, puisque les cancers n'arrivaient pas et toutes les malédictions ne se produisaient pas. Mais bien sûr, il y a aussi eu relativement lentement un retour du balancier avec des patientes qui avaient des problèmes, pas obligatoirement majeurs, mais les prises de poids n'ont pas longtemps été acceptées. On s'est soucié de la circulation veineuse et artérielle de nos patientes et rien n'est parfait. Donc l'atmosphère était toujours plutôt du bon côté des choses, mais ça n'était plus le miracle. La contraception devient à la limite quelque chose de plus compliqué puisqu'on a un choix à faire. Mais elle commence à se dire, c'est quand même un médicament. Et puis, il y a quelques inconvénients. Lorsqu'on a un cancer du sein ou un cancer du col, les patientes ont tendance à l'imputer à la pilule. On est dans une période charnière. Ce n'est plus l'explosion de bonheur. On peut faire l'amour, on peut être heureux, on peut être amoureux, on ne va pas le payer. Mais ça n'est pas non plus, comme aujourd'hui, c'est dramatique, les médecins nous empoisonnent et les laboratoires pharmaceutiques gagnent de l'argent. Rien n'est parfait. Il faut admettre qu'il y ait des risques. On n'est pas non plus encore dans l'amour total de la nature et on est encore dans la confiance dans le médecin. Donc en fait, on voit arriver sur le marché des produits dosés légèrement différemment, qui sont toujours cette combinaison d'œstrogènes et de progestatifs, mais déjà avec les années qui sont moins dosées, et où la combinaison va changer légèrement selon le public auquel l'industrie pharmaceutique veut s'adresser. Pour la jeune fille, pour la femme ayant déjà eu des enfants, pour les femmes qui ne supportent pas les pilules classiques, voilà, toutes ont leurs pilules. La deuxième chose, c'est l'industrie pharmaceutique améliore ses produits pour en fait avoir toujours des brevets pour que leurs produits soient rentables, beaucoup plus rentables que les produits qui passent en générique. Donc vous avez des industries qui ont plutôt envie de vendre des pilules, et vous avez des médecins pour qui la pilule apparaît comme, on pourrait dire, l'aboutissement de la science sur la contraception, c'est-à-dire le meilleur produit disponible actuellement en termes de risque, d'efficacité, etc., etc. La santé et cette histoire dont vous vous souvenez certainement. Il y a un peu moins d'un an, en décembre 2012, une jeune femme de 25 ans portait plainte contre un laboratoire pharmaceutique après un AVC, accident vasculaire cérébral, provoqué, ça a été prouvé, par une pilule contraceptive de troisième génération fabriquée par Bayer. Et bien aujourd'hui, Marion Lara, c'est son nom, témoigne. Témoignage très émouvant dans un livre qui paraît ce matin. Il s'appelle « Pilule amère ». Marion Lara y raconte comment à l'époque, à 19 ans, alors qu'elle est étudiante, elle s'écroule et va rester entre la vie et la mort. On découvre alors qu'elle est porteuse d'un trouble de coagulation du sang qui provoque des caillots, trouble qui toucherait 10% des femmes, ce qu'elles ignorent. Or, le fait de prendre une pilule de troisième et quatrième génération multiplie ce risque par deux. Ces pilules, avant que sa plainte ne soit médiatisée, étaient largement prescrites sous le seul prétexte qu'elles étaient nouvelles. C'est cette légèreté que dénonce Marion. Direct, on m'a prescrit ça, j'ai fait confiance à ma gynéco. On m'a pas dit tous les moyens de contraception qui existent. On faisait pas d'examen poussé de sang. La gynécologue, elle n'a pas fait son métier. Elle m'avait pas du tout parlé des thromboses. Je trouve ça, mais odieux. J'engage une plainte contre le laboratoire, parce que c'est les laboratoires quand même qui biberonnent les gynécologues depuis la source, qui disent « mais on a fait une erreur ». Mylène Rouzeau-Cornabas, vous avez étudié cette crise médiatique qui touche la pilule en 2013. Pourquoi le cas isolé de cette plaignante, et qui révèle en fait des risques que l'on connaissait déjà, déclenche une telle remise en question du médicament ? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de particulier ? Alors, si vous voulez, il y a quand même une forme de désaffection vis-à-vis de la pilule depuis une dizaine d'années avant 2013, depuis le début des années 2000. Une désaffection parce que il y a d'autres méthodes qui sont sur le marché, et donc du coup, ça met d'autant plus en valeur les effets un peu secondaires négatifs de la pilule. C'est aussi une méthode qui peut être contraignante avec une prise quotidienne, et donc du coup, les femmes sont beaucoup moins, aveuglées par le symbole que représentait la pilule. Elles veulent mettre plutôt en avant le choix d'autres méthodes, qui sont tout aussi efficaces d'ailleurs. Donc du coup, on est dans un contexte où la pilule n'est plus sur le piédestal qu'elle était jusqu'à avant. Et forcément, ce scandale sur des risques qui effectivement sont mineurs, représentent pas du tout une généralité, fait écho aux autres effets secondaires, aux autres effets négatifs que comporte la pilule, des effets sur la libido, les effets sur l'humeur, sur le corps, et qui du coup sont beaucoup plus mis en avant et qui vont amener à des changements de pratique. C'est aussi ça la différence, c'est qu'avant, les femmes ne se permettaient pas forcément de changer de méthode, que là, elles vont s'autoriser à passer à d'autres types de méthodes qui correspondent mieux à leur mode de vie et puis à leur ressenti personnel. Est-ce que ça fournit une occasion à un certain courant féministe de réinterroger cette méthode contraceptive qu'on a finalement considérée comme évidente ? Alors, je pense que ça a extrêmement bouleversé le mouvement féministe. C'est vrai que les mouvements féministes ont eu beaucoup de mal à se positionner par rapport à la fois le fait de promouvoir la pilule comme contraceptif efficace, de promouvoir la contraception médicale comme enjeu féministe, et à la fois essayer de répondre à ce message d'inquiétude par rapport aux risques. Parce que derrière tout ça, c'était de se dire, si on communique trop sur les risques, on risque de détourner les femmes de l'usage de la contraception hormonale, qui présente quand même un véritable progrès. Donc ça a été ça la complexité des mouvements féministes, qui pendant longtemps n'ont pas parlé, par cette peur-là de aller à l'encontre de leur combat initial. Et donc cette crise a amené à beaucoup de réflexions au sein des milieux féministes. Ça a aussi renforcer la notion de choix contraceptif et la notion aussi qu'il existe d'autres contraceptions tout aussi efficaces et le fait de pouvoir vraiment la choisir, parce que beaucoup de méthodes ne se font que via une prescription médicale ou un acte médical. Et c'est ça qui change d'ailleurs avec la loi de 2016 et qui est très important, c'est le fait que maintenant les médecins qui prescrivent de la contraception doivent faire de l'information sur toutes les méthodes, leurs avantages et leurs inconvénients. Donc on voit que c'est aussi rentré dans le cadre juridique et ça c'est une vraie avancée. Avec le temps, on assiste, alors moi je ne considère pas tellement que c'est une remise en question, même si certaines féministes aujourd'hui le présentent sous cet angle-là, mais quelque chose qui a à voir une fois encore avec la liberté. Je crois qu'on aurait tort de l'interpréter comme une espèce de régression. Alors je comprends très bien le point de vue des anciennes, c'est-à-dire de celles qui ont lutté les premières, parce que pour elles la conquête était tellement énorme, celles qui ont vécu les avortements clandestins, qui ont vécu une sexualité qui commençait dans l'angoisse quasi quotidienne de tomber enceinte, etc. Bon, on peut concevoir qu'elles soient aujourd'hui un peu effrayées d'observer avec quelle facilité les plus jeunes questionnent la méthode, mais je crois que c'est une erreur de considérer qu'on fait marche arrière. Je crois au contraire qu'on est dans une dynamique d'approfondissement, c'est-à-dire que si on donne aux femmes le pouvoir de contrôler leur corps, eh bien ce pouvoir elle l'exerce dans toutes ses implications, y compris dans le choix des ustensiles, des techniques. Il y a le même phénomène, par exemple, pour ce qui concerne les règles aujourd'hui, avec la vogue de la coupe menstruelle, qui paraît aux plus anciennes, qui ont découvert le tampon comme une libération, parce que après les serviettes hygiéniques, c'était là aussi quelque chose qui rendait tellement de choses possibles que ça paraissait une étape précieuse. Avec la coupe menstruelle, on peut avoir l'impression qu'on revient à des méthodes un peu archaïques, compliquées, etc. Mais non, c'est simplement une option supplémentaire dans l'éventail en fait, des techniques qui sont proposées aux femmes dans leur rapport à leur génitalité. En gros, ça commence du coup le premier jour des règles. On rentre son premier jour. Là, on a perte légère, perte moyenne, perte abondante. En gros, c'est un retour à la méthode Ogino, mais avec une appli. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, il y a la qualité de la peau, donc si elle est belle, grasse, sèche, ou s'il y a de l'acné. Et ensuite, il y a au niveau des émotions, si on est heureuse, sensible, triste. Et après, on peut rentrer au niveau des douleurs, si on a des crampes, des maux de tête, si on est en moment d'ovulation et que c'est très douloureux, si on a la poitrine sensible. Ensuite, une fois qu'on a rempli tous les jours de règles, on arrive, il nous calcule en fait le nombre de jours féconds qu'on va avoir. Donc là, je suis en plein dedans. Et ensuite, il est censé me dire, par rapport à ce qu'il a calculé des informations que j'ai pu rentrer dans les mois précédents, quand vont arriver mes prochaines règles. En bleu, c'est les jours féconds. Il me reste 7 jours avant le prochain cycle. Je pense que j'ai 7 jours où ça va. Je peux faire l'amour sans protection. Et pourquoi à l'origine vous avez arrêté la pilule ? Parce que j'en avais un petit peu marre de me foutre des hormones dans le corps. Enfin, que j'avais plus envie de ça. Donc je sais pas si c'est mon corps qui réagit hyper facilement à ça. Mais ça a été assez immédiat dans le ressenti des choses, quoi. Donc l'ovulation, enfin, j'ai vraiment constaté que mes règles avaient changé par rapport à la consistance, par rapport à la couleur, qui sont rouge profond et où il y a une vraie quantité. Parce qu'effectivement, moi, c'est quelque chose que j'avais plus réellement. On se dit que c'est pas... qu'il y a un truc sain. Donc il y a un retour à l'état de nature, entre guillemets, beaucoup plus fort. Alors, le mouvement est assez nouveau, mais celles qui aujourd'hui sont sur ce versant-là d'une forme de retour à la nature, il y a un pôle important autour d'une forme de mythologie écologique, du lien établi entre la maternité, la nature, la mère nourricière, la terre nourricière, et quelque chose qui a à voir avec une forme d'idéal un petit peu quasi mystique, la lune, etc. Et donc, ça donne lieu à des options très, très différentes. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes femmes qui se définissent elles-mêmes, par exemple, comme de nouvelles sorcières, avec tout ce qu'elles mettent de positif dans ce terme de sorcière. La sorcière, c'est celle qui est capable, en vivant, disons, en harmonie avec les rythmes, les cycles, etc., de la nature et du cosmos, qui sont à la recherche, en fait, d'un rapport à leur corps qui soit le plus authentique possible, le plus écologique. C'est les femmes qu'on appelle les écoféministes. C'est ça, l'écoféminisme ? C'est ça, l'écoféminisme. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des femmes qui revendiquent une forme d'écologie, mais il y a une sorte d'instrumentalisation par rapport à cette question de la contraception qui permet à certains courants qui, par exemple, considèrent que la pilule est une aliénation chimique du corps de la femme dont elle doit se libérer, qui prônent donc le retour à des méthodes naturelles, mais qui en même temps aussi valorise le retour à des formes de famille traditionnelles, valorise aussi énormément l'enfantement, la famille nombreuse, etc. Donc sous couvert d'une forme de libération, notamment vis-à-vis donc de cette fameuse aliénation chimique, on réactive en fait des vieux schémas. Ça fait quand même quelque chose de sentir tout ça. Enfin, je sais pas comment dire ça. Mais après, moi, j'ai la sensation que c'est surtout au niveau du désir, en fait, et de la libido. Tout d'un coup, j'ai l'impression que tout explose, quoi. Il y avait une vraie différence. Et qui était due à l'arrêt de la pilule. Je pense qu'il n'y a pas de malédiction de ce style-là. Et que on l'a entendu pas au tout début, alors que logiquement, au tout début, la quantité hormonale aurait dû avoir une action sur la libido, et ça, on l'entendait peu. Mais l'effet sur la libido, je pense qu'il y a beaucoup de différentes raisons. Il y a certaines femmes chez qui, certainement, l'effet hormonal se fait sentir, et je pense qu'il y en a d'autres où il y a ce côté psychologique. Et puis, je crois que nous ne savons pas tout, et que certaines femmes, avec certaines pilules, ont moins de plaisir. Mais est-ce qu'elles ont vraiment moins de plaisir, ou est-ce qu'elles sont dans cette pensée ou dans cette dynamique qu'on entend souvent de ne plus entendre leur corps, de ne plus le connaître, de ne plus savoir ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Si elles ont une autre image de leur corps, d'un corps qui les trahit d'une certaine façon parce qu'elles l'ont trahi en prenant la pilule, c'est compliqué, mais je crois que ça existe aussi et il se peut que tout cela joue. Je crois qu'il faut prendre son temps en tant que médecin et écouter la patiente, voir au fond ce qu'elle souhaite, comment elle envisage sa vie, comment elle considère son corps, ce corps qui l'a peut-être trahi, il est moins beau, elle a vieilli. Il y a beaucoup de raisons. Je pense que c'est pour ça qu'une consultation de contraception, ce n'est pas quelque chose de rapide. Je pense qu'il faut essayer de se rendre compte comment la femme vit son corps, sa contraception, sa sexualité, réfléchir avec elle si elle ne veut pas changer de méthode. N'oubliez pas qu'actuellement, la pilule qui détenait le haut du pavé est maintenant n'est plus du tout championne et qu'on met plus de stérilés en France qu'on en mettait. Donc, nous entrons dans une autre ère où, en effet, il faut essayer de voir avec nos patientes comment on peut leur assurer une contraception efficace et puis une vie sexuelle et amoureuse heureuse, qui, en fait, est tout le but de la pilule. Ce que je considère important, c'est d'essayer de prendre la mesure aussi justement de tout ce qui nous sépare d'avant la contraception, d'avant la pilule. C'est important parce que si on intègre cette donnée, c'est-à-dire donc la contraception libre, on réalise à quel point la mutation est profonde. De pouvoir échapper ainsi à son destin maternel, c'est tout simplement d'abord pouvoir prétendre être un homme comme les autres. Enfin, ce qui me paraît crucial, c'est qu'il faut attendre la pilule, en quelque sorte, pour que les femmes puissent être considérées comme des individus modernes, au même titre que les hommes. C'est-à-dire que si on prend le prisme féminin pour essayer de comprendre l'histoire de la modernité démocratique, la grande rupture, c'est pas le XVIIIe siècle, c'est pas Jean-Jacques Rousseau, le contrat social et la Révolution française, c'est les années 70 qui permettent enfin aux femmes d'être considérées comme des individus modernes, c'est-à-dire dotées de droits abstrait et aussi doté de la capacité de les revendiquer. Tout ça pour dire que la pilule, finalement, ce petit comprimé, c'est le symbole de la libération des femmes, mais c'est aussi le symbole de l'achèvement du processus de démocratisation. Parce que l'idéal démocratique qui pose que les individus naissent libres et égaux en droit est resté incomplet jusqu'à ce qu'on puisse considérer que les femmes, elles aussi, étaient aussi libres et aussi égales que les hommes, et elles n'ont pu le devenir que grâce à la pilule. Donc c'est une vraie rupture à la fois anthropologique mais même politique, grâce à ces conquêtes et à la conquête du droit à la contraception, d'avoir transformé notre monde commun, d'avoir mis un terme enfin à l'ancienne division sexuée qui est privé féminin, public masculin, et d'avoir permis aux femmes de devenir vraiment des individus de droit comme les autres. We'll be right back. Le petit comprimé qui a changé la face du monde, une histoire scientifique et politique de la pilule. Avec Michel Lebris, Bibia Pavard, Jean-Paul Gaudière, Michel Lachowski, Alexandra Roux, Camille Froidevaux-Métry et Mylène Rouzeau-Cornabas. Merci à Louise, à Floriane, Sarah et à Adeline Durand-Vallot, Archivina Viviane Lefebvre, une émission de Delphine Saltel et Vincent Deck. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez savoir quelle contraception choisir, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster chez la gynéco ou nous réécouter pour la guerre des sexes, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et demain, dernier épisode, sexe, mensonges et grandes questions, quelques séances d'éducation sexuelle au lycée. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tank, notre partenaire, qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs.